On est rendu au bloc de l'Ouest, la musique de l'Ouest canadien et beaucoup de belles musiques à vous proposer qui tournent un peu autour du fort Gibraltar. Si ça vous dit rien, écoutez, le fort Gibraltar, c'est tout simplement un parc thématique, un peu comme le Havre de la Découverte ou Sainte-Marie au Pays des Hurons ou encore Upper Canada Village, le festival acadien dans le temps. Ce genre de parc-là, un parc thématique sur l'histoire. Le fort Gibraltar, originairement construit à la fourche des rivières Rouge et Assiniboine, aux alentours des 1809-1810, le fort Gibraltar est un poste de traite de la compagnie Nord-Ouest. Il a joué un rôle impressionnant dans le développement de la colonie à la rivière Rouge. Et aujourd'hui, dans la région de Winnipeg, c'est un parc thématique où il y a beaucoup d'activités l'été. Et aussi quelques spectacles. Et on nous en promet tout un le 27 juin. Il y aura entre autres Andrina Turenne, qui faisait partie de Madrigaya à l'époque. Eh bien, on va l'entendre justement avec Madrigaya sur une belle reprise d'une chanson de Edmond Dufort, « Ma belle étoile, ça s'en vient ». Il y aura aussi Rihanna qui a lancé un album, sûrement que vous le savez, mais quand même, je vous le rappelle, elle a lancé un album au début du mois de mai, je ne me trompe pas, et c'est la pièce qu'on va entendre, c'est « En attendant demain », et Rihanna qui est vraiment exceptionnelle. Et il y a M. Étienne Fletcher qui nous arrive avec un nouvel extrait de Côté A. Le nouvel extrait, c'est « Soleil ». Donc, il va être justement du côté du fort Gibraltar également. Donc, on va l'entendre avec cette belle chanson-là. Il y a d'autres artistes aussi. Mais pour commencer, voici Madrigaya en souvenir avec tout simplement « Ma belle étoile » d'Edmond Dufort. Je n'ai pas vole dans le vent. Alors laisse-toi pleurer, fais-toi cadeau du temps jusqu'au moment, jusqu'au moment, jusqu'au moment où tu nous reviendras. Pardonne-moi, je peux pas rester. Ça va comme ça vient des fois, mais y a du beau temps qui s'en vient, je vois. J'ai le soleil dans les yeux maintenant, c'est le soleil qui gagne. Elle se dandine devant les vitrines sans se soucier de ses souliers. Elle me dit que c'est pas facile, c'est pas facile. Elle se dandine devant les vitrines sans se soucier de ses souliers. Elle me dit que c'est pas facile, c'est pas facile. Et qui m'a tant cajolé. celle qui m'a choisi m'a appris à aimer. C'est bien le temps de te l'annoncer. Te rappeler, tu es apprécié. Je veux te dire merci. Merci, Jérémy and the Delicious Sound. Excellente musique de l'Ouest canadien. Un peu funk, un peu, comment je pourrais dire, soul et très pop, très entraînante. C'est vraiment très intéressant ce qu'ils font. Ils seront du côté de Granby au mois d'août, je pense c'est le 14 août. Ils sont en demi-finale au Festival international de la chanson de Granby et c'est un groupe très énergique. Je viens de voir, si vous faites Jérémy and the Delicious Hounds sur Facebook, je viens de voir qu'ils ont une nouvelle chanson. On va essayer de mettre la main là-dessus pour pouvoir vous la faire tourner très, très, très bientôt. Et en ce moment, ils se préparent solidement à aller faire un tour du côté du Festival international de la chanson de Granby en demi-finale, le 14 août qu'on dit ici. Et ce sera intéressant de voir s'ils pourront poursuivre jusqu'à la grande finale. Je sais que le petit EP que j'ai, j'adore les chansons qui sont dessus. C'est une belle énergie et un beau produit de l'Ouest canadien. Donc, on leur souhaite la meilleure des chances, bien entendu. On vient les entendre avec Merci, qui est une des pièces que j'ai en ce moment. Mais d'ici une semaine ou deux, je vous fais jouer la nouvelle chanson. Là, je vais essayer de mettre la main là-dessus. Ça s'appelle « Pas facile, Jeremy and the Delicious Sound ». Parlant de nouvelles chansons, on va terminer avec une dernière chanson, le bloc de l'Ouest canadien avec Pontex qui ont lancé un album au printemps, au mois de mai. Et sur cet album-là, il y avait Faux Pas qui a beaucoup roulé sur les ondes radio. Et là, on nous arrive avec une nouvelle pièce, Les Éclats, un peu plus planante, un peu plus profonde comme pièce, mais fort intéressant. C'est bien sûr Mario Lepage et ses acolytes qui nous proposent ça. Et bien sûr, on va se quitter pour l'instant avec cette pièce-là. Et on va vous revenir avec le mot de la fin, bien entendu. Donc, voici Les Éclats, Pontex. Jusqu'après les éclats, jusqu'à ce que l'on se noie, jusqu'à ce que l'on se nomme.

et bien sûr, sûrement le faire tourner sur les ondes de la votre radio francophone préférée au pays. Et ça fait toujours plaisir de recevoir du nouveau produit comme ça. Je suis toujours à la recherche de nouveaux produits, à la recherche de nouveaux talents franco-canadiens, parce que la francophonie musicale canadienne, elle est vivante, elle existe et elle progresse très, très, très bien. Donc voilà, ne vous gênez pas, c'est canrock, cdn@commercial.gmail.com. Eh bien, il va falloir partir le thème dans quelques secondes. On va partir ça. Et juste le temps de vous dire une seule chose. Allez encourager vos artistes locaux. C'est important. Ils ont besoin de votre support. Et vous risquez d'être séduits. Ça, c'est garanti. Sur ça, je vous souhaite une bonne semaine musicale. À la semaine prochaine pour une autre édition de Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Attention à vous. Bye-bye.